franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La guerre a duré 50 ans. Une guerre farouche, cruelle, qui a provoqué des centaines de morts, et parmi eux beaucoup d'innocents, frappés de façon aveugle. Cette guerre, la dernière guerre européenne de libération, c'est celle qu'a menée l'organisation indépendantiste OTA, en Espagne bien sûr, mais aussi en France, puisque notre territoire a longtemps été une base arrière pour les militants basques de l'ETA. Aujourd'hui, les terroristes ont mis fin à la lutte armée. Mais l'organisation n'a toujours pas été dissoute et elle n'a pas rendu ses armes. Alors, s'agit-il seulement d'une nouvelle trêve, comme l'Espagne en a connu si souvent, ou bien cette paix est-elle définitive? Bref, les indépendantistes basques les plus radicaux ont-ils enfin décidé de se battre politiquement et non plus à coups d'attentats et d'assassinats? Monsieur X a donc décidé d'ouvrir le dense et douloureux dossier de l'organisation clandestine basque. Et d'abord, de tenter de comprendre pourquoi, malgré une répression impitoyable, l'ETA a pu aussi longtemps tenir tête au gouvernement espagnol et surtout renouveler sa base militante. Une citation éclairante avant d'entendre mon interlocuteur. Je l'ai trouvée dans un ouvrage de Jean Chalvidan, l'un des meilleurs spécialistes français de la question basque. « Chaque fois que j'ai croisé des étarras, j'ai été frappé par leur manque de pragmatisme, leur refus de voir la réalité en face, leur vision hallucinée de fanatiques dévoués corps et âme à un combat sans fin. » Chacun de nous dit que le coin de France qu'il a vu naître est de tous le plus beau. Gars du Midi, chantez votre Provence, marin breton, rêvez de Saint-Malo. Enfants du Nord, fille de Normandie, soyez tous fiers de votre sol natal. Chaque parcelle de notre patrie, à chaque cœur, apporte l'idéal. Moi je chante mon pays basque, qui de la montagne à la mer resplendit sous son ciel fantasque, tantôt bleu, rose, gris ou vert. Sous les sommets dans la bourrasque, ou près des flots par un doux soir, je t'aime oh mon beau pays basque, et suis fier de mon béret noir. Revoir Bayonne et ses reflets d'Espagne, Saint-Jean de Luz, un jour de Chistera, Cibourg en fleurs et sa verte campagne, et puis Cambeau que Rostand célébra. Revoir les pins et les piments en branche, se passionner aux courses de taureaux, fouler le sol à espadrille blanche, quand je suis loin, c'est un espoir nouveau. Car je t'aime, oh mon pays basque, qui de la montagne à la mer resplendit sous son ciel fantasque, tantôt bleu, rose, gris ou vert. Sur les sommets dans la bourrasque, ou près des flots par un doux soir, je t'aime, oh mon beau pays basque, et suis fier de mon béret noir. Je te salue au pays basque en soulevant mon béret.